ça. Normalement, ça va être bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la popote des idées. Jusqu'à 11h30, on parle de monnaie locale sur Radio Laser. Avez-vous déjà entendu parler du Galeco ? Si vous êtes de la région rennaise, c'est fort probable, mais si vous venez d'ailleurs, peut-être connaissez-vous la muse, la boussole, la gonnette, la maillette ou encore le grain. Tous ces noms sont des monnaies locales, de l'argent liquide généralement, destiné à ne circuler que dans un périmètre réduit. Ces monnaies locales, il en existe environ une cinquantaine en France, mais les projets de lancement sont encore plus nombreux, ce qui annonce une hausse certainement très importante de ces monnaies dans les prochaines années. Autrement que monnaie locale, on parlera aussi de monnaie complémentaire. En effet, l'objectif de ces monnaies n'est pas de remplacer l'euro, l'argent que nous utilisons majoritairement, mais plutôt de proposer un autre rapport à la consommation, notamment en favorisant les produits et les commerçants locaux. Alors, autour de Rennes, cette monnaie, comme je le disais, s'appelle le Galeco. Elle existe depuis 2013, elle a été lancée en 2013, mais elle est actuellement en train de vivre des moments plutôt difficiles. Avec la loi NOTRe, en effet, votée à l'été 2015, le département ne peut plus financer l'activité de cette monnaie. Et pour s'en sortir, l'association a annoncé très récemment l'entreprise d'un licenciement économique des salariés afin de réduire les coûts. Mais alors, est-ce symptomatique d'un manque de stabilité des monnaies locales ? Les monnaies locales ont-elles un long avenir devant elles ? Et y a-t-il de la place pour ces monnaies complémentaires dans la zone euro ? Monnaie locale, paierons-nous tout en Galeco ? On en parle jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Et donc, équipe très très réduite pour cette dernière émission avant les vacances, puisque Colin est l'unique survivant de la maladie et des partiels, et tu es tout de même parmi nous. Et extrêmement méritant, t'as vu. Bonjour à tous, bonjour Tanguy. Bonjour. De quoi tu vas nous parler? Vas-y, raconte. Alors aujourd'hui, cette semaine, comme j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'étais quand même malade et j'avais quand même des partiels, je me suis intéressé juste à un mot qui est la monnaie, tout simplement. Eh bah, très bien, on écoutera ça plutôt vers le début de l'émission. Pour ma part, je m'appelle Tanguy, on dit que je me présentais pas assez. Et avec nos invités, nous allons essayer de décrypter le fonctionnement des monnaies locales. C'est donc jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons un plateau plutôt réduit aussi encore, deux invités. Séverine Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adhérente citoyenne du Galeco. Vous êtes adhérente depuis combien de temps, je me demandais ? Ça fait à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, très bien. Donc vous n'étiez pas au lancement de la monnaie. Non. Et bien on aura l'occasion de revenir du coup justement sur cette monnaie. Et pour discuter avec vous, on reçoit Emmanuel Rousset, bonjour. Emmanuel Rousset, pardon, j'avais pas allumé le micro. Vous êtes élue au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente déléguée à la politique de la ville, à l'économie sociale et solidaire et au développement social local. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est exactement ça. Je précise aussi par rapport au plateau que nous aurions aimé donner la parole à des citoyens opposés au développement d'une monnaie locale, mais que ceux-ci ont refusé malheureusement de participer à ce débat. C'est dommage, mais la discussion n'en sera pas moins intéressante. Voilà qui est dit. Je vais me tourner vers vous, Séverine Renaud, pardon, pour commencer. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu de manière générale quel est l'intérêt d'une monnaie locale, pour que les auditeurs comprennent à quoi ça sert une monnaie locale ? Alors, c'est une bonne question parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler du Galeco, c'était au lancement justement de la monnaie en 2013. Et quand j'en ai entendu parler, j'ai pas du tout vu l'intérêt de la monnaie locale. Ça me paraissait complètement... je voyais pas du tout l'intérêt. Et en fait, c'est en voyant divers documentaires qui parlaient de monnaie, de travail de monnaie, etc., que j'ai compris que ça pouvait être intéressant. Donc l'intérêt, c'est qu'une monnaie locale, comme son nom l'indique, elle circule localement, donc sur un territoire réduit. Donc le Galeco, c'est en Ille-et-Vilaine, et même c'est plus réduit que ça, puisque c'est sur le territoire de Rennes, de Redon, essentiellement. Cette monnaie, quand on paye un commerçant en Galeco, on sait que ces Galecos-là vont rester sur le territoire. C'est-à-dire que le commerçant, il va devoir dépenser ces Galecos dans la ville ou sur le territoire où vous vivez, en fait. Donc ça permet de soutenir l'économie locale, tout simplement. Emmanuel Rousset, vous ne pouvez que valider. La monnaie locale a pour but donc de soutenir tout ce qui est un peu circuit court, c'est ça, le fonctionnement du circuit court. Le principe, c'est ça, c'est vraiment cette question de dire je fais des achats et ça a du sens. Donc c'est au-delà de favoriser les circuits courts, ça peut être aussi un marqueur de qualité. C'est-à-dire que les commerçants, les entreprises qui acceptent les Galeco ont un cahier des charges à respecter un petit peu en termes de qualité de production, de conditions de travail. C'est un soutien aussi au développement durable. C'est-à-dire que non seulement on achète au local, mais on achète aussi à des gens qui font l'effort de s'interroger sur leur filière. Moi, je suis commerçant, j'accepte les Galeco. Qu'est-ce que ça a comme impact chez mes fournisseurs ou qui sont mes fournisseurs? Est-ce que je peux aussi les payer en Galeco? Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils produisent en livrant avec des kilomètres? Est-ce que leurs conditions de travail sont intéressantes? Donc c'est vrai que c'est un levier de pédagogique aussi de se dire une monnaie, elle est faite pour l'économie réelle. Donc ça oblige à voir la circulation de la monnaie sur un territoire. Ça ne doit pas non plus être enfermant. L'idée d'une monnaie, c'est que c'est dans une démarche positive de mise en réseau. Donc, ce n'est pas un entre-soi de quelques-uns qui, si on achète là, ben on a raison. Si on n'achète pas là, on a tort. Mais c'est un support pédagogique pour s'interroger sur nos consommations, sur une période de transition. Donc, ça, voilà, un peu un label qualité, on pourrait à la limite le qualifier ainsi. Ouais, un marqueur de développement marqueur. Durable plutôt, parce qu'on n'est pas encore vraiment dans le label. D'accord. Alors pour centrer, donc là c'était plus général, peut-être pour revenir sur le Galeco, Séverine Renaud encore, est-ce qu'il y avait un manque parce que le Galeco n'est pas la seule monnaie locale, est-ce que l'objectif pourrait être de développer des monnaies locales pour couvrir l'ensemble du territoire? Eh ben, je pense que ce serait une bonne idée, personnellement. Il y a énormément, comme vous l'avez dit, de projets, soit de monnaie locale déjà en circulation, qui fonctionnent plutôt bien en France. Il y a aussi plein de projets. En Bretagne, il y en a un certain nombre également. Et je pense que ça serait vraiment intéressant qu'il y ait plein de monnaies locales sur tous les territoires, en fait. Ça permettrait à chaque territoire de développer... une économie plus raisonnée, en fait. L'idée, c'est, si vous voulez, l'idée, c'est évidemment qu'on ne pourra pas tout payer en Galeco. Si je veux acheter du café, on ne produit pas de café en Bretagne. Donc, je vais pas pouvoir développer un circuit du café entièrement payé en Galeco. Mais par contre, des pommes, c'est peut-être un peu bête d'acheter des pommes qui viennent, d'Australie. Donc, on va essayer de favoriser plutôt des pommes locales. C'est le sens du Galeco. Alors, on peut le faire aussi sans le Galeco. Mais l'intérêt du Galeco, c'est qu'on crée un circuit, en fait, avec la monnaie. Et le Galeco fonctionne plutôt quand même bien, on peut le dire, puisque, si j'ai bien compris, c'est devenu la troisième monnaie locale en France. Est-ce que le territoire rennais est plus propice que certains territoires, serait plus propice à ce que les habitants acceptent le Galeco, une monnaie locale, Emmanuel Rousset? Alors, là où le Galeco marche le mieux, c'est pas à Rennes, c'est à Redon. À Redon. C'est-à-dire qu'on voit bien que la question d'une monnaie, surtout locale, elle est liée à son territoire, à son identité. La monnaie en France qui marche le mieux, c'est l'échiko, c'est la monnaie du Pays Basque, c'est à l'échelle régionale. Ensuite, on a le sol violette par son histoire un petit peu, et le Galeco est à peu près kiff-kiff avec le sol violette qui est sur Toulouse. On voit bien que l'expérience, on reviendra peut-être après sur l'histoire un peu, mais oui. Il faut quand même un territoire dans lequel, avec un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'une monnaie, il faut qu'on s'intéresse aux gens qui vivent sur ce territoire, au mode de production, à la qualité de son environnement pour avoir envie d'y acheter des choses et d'y vivre et développer le local. Donc c'est vrai qu'on constate quand même que les monnaies qui émergent, elles émergent sur des territoires qui ont une identité particulière. Alors ça peut être un quartier, ça peut être un canton, ça peut être une région, peu importe, mais il y a une dynamique sur ce territoire. Et en Ille-et-Vilaine, le territoire du pays de Redon est un territoire avec une identité assez forte, un sentiment d'appartenance, de l'innovation, du lien entre les gens. il y a une communauté au sens québécoise un peu du terme de on fait communauté, et c'est vrai que ça joue aussi sur le développement d'une monnaie. C'est pas du hors-sol, une monnaie locale. C'est bien en prise avec les habitudes des gens, les réseaux militants, les réseaux professionnels. Et c'est ce qui fait quand même un peu de l'ADN des monnaies locales. Alors justement, est-ce que cette communauté, elle existait avant ? Ça nous mène un peu du coup justement à l'histoire du Galéco. Séverine Renaud, vous n'étiez du coup pas à ce moment-là, mais est-ce que l'idée de créer un Galéco était celle d'un grand groupe de militants, était vraiment une demande importante au moment de sa création? Je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que justement, je n'étais pas là au moment de la création. Je sais que le Galéco, ça vient à la base, c'est une initiative du Conseil général à l'époque. Derrière cette initiative, il y a eu quand même un mouvement de citoyens, un groupe de personnes qui s'est créé, un groupe d'utilisateurs, un groupe de bénévoles, effectivement beaucoup plus actifs à Redon. Et donc, l'initiative seule du département aurait pas suffi en fait. Il faut quand même des gens, des citoyens derrière qui font fonctionner la monnaie. Emmanuel Rousset, sur le département, a vraiment poussé. Alors, c'est vrai que la particularité de la monnaie Galéco en France par rapport aux autres monnaies, c'est qu'elle ne vient pas d'un groupe de citoyens. Elle vient d'une envie de l'ancien président du département de travailler sur ces questions-là parce que ça l'intéressait. Et du coup, il a embarqué le conseil général de l'époque. Donc, il y a eu tout un travail de mobilisation des citoyens. Il y avait les réseaux, donc ça a marché aussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est un projet qui, dans son modèle à la fois de gouvernance et son modèle économique, est quand même descendant. Et il a été transmis à des citoyens qui s'en sont emparés, mais contrairement aux autres monnaies en France, et on vient de faire une évaluation qui nous a permis d'avoir ces éléments-là, c'est qu'il nous manque les corps intermédiaires, en fait. C'est-à-dire que les réseaux, que ce soit les réseaux de l'économie sociale et solidaire, les réseaux des entreprises, ne se sont pas emparés de la monnaie. Et donc, on est passé d'un projet assez descendant à un projet citoyen fortement. Mais voilà, la transition, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément fait comme dans l'idéal, on aurait voulu que ça fasse quelque chose de plus partenarial. Alors, c'est l'histoire. Maintenant, on en tire un petit peu les choses. Et il y a des choses bien, puis il y a des choses qui sont peut-être à revoir, entre autres parce que nous, on a perdu un bout de notre compétence. Mais c'est quand même dans une logique descendante qui s'est voulue participative, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même chose quand on vient d'un collectif d'habitants ou d'un territoire qui se mobilise pour mettre en place une monnaie que quand ça vient d'une institution fut-elle participative comme le département. La monnaie, le Galéco a peut-être été trop dépendant du conseil départemental. Colin, tu voulais peut-être poser une question. J'ai une question pour vous. Séverine Renaud, vous disiez tout à l'heure que donc on pouvait peut-être faire sans le Galéco pour tout ce qui était pour ce qu'il permet de rétablir une économie spécialement locale. Effectivement, je vais essayer de me faire l'avocat du diable puisqu'on n'a personne ici pour contester le Galéco, mais est-ce que finalement ce serait pas peut-être plus utile de rétablir des mesures plus protectionnistes, peut-être pour éviter de faire venir justement ces produits qui viennent d'extrêmement loin et qui fait qu'on est incité à finalement acheter des produits qui viennent de loin et de moins acheter local? C'était le sens peut-être de l'écotaxe il y a quelques années qui pénalisait financièrement les produits qui venaient de très loin et qui finalement a été un échec total. Est-ce que donc finalement, alors pourquoi est-ce que le Galéco marche peut-être plus que l'écotaxe qui a été complètement refusée, et est-ce que ce serait pas donc plus utile et plus efficace de faire appel à ces mesures protectionnistes plus qu'à la mise en place vraiment d'un nouveau système monétaire? Alors là, ça sort peut-être un peu de mes compétences parce que c'est vraiment une question politique, je pense, la question du protectionnisme, en fait, de mesures protectionnistes. Ça serait efficace sans aucun doute. Je pense que dans le contexte politique actuel, c'est pas vraiment le chemin qu'on prend. Donc voilà. Donc l'intérêt de la monnaie locale, c'est aussi que ce sont les citoyens qui ont un pouvoir. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'idée de la monnaie locale, c'est que du coup, c'est nous qui disons. En payant en Galéco, voilà, je ne veux pas que cette monnaie elle sorte du territoire. Et donc plus il y a de Galéco qui circule, plus ce flux qui reste sur le territoire est important, plus l'économie locale est soutenue sans forcément avoir besoin de mesures protectionnistes qui pourraient être complémentaires par ailleurs, je sais pas, là Voilà. C'est l'intérêt de la monnaie locale, c'est ça, c'est la participation citoyenne, ça, qui vient du bas, quoi, qui vient de nous. Et alors, j'y repense maintenant, en fait, mais est-ce qu'on pourrait pas expliquer un peu concrètement, justement, comment fonctionne le Galeco ? Par exemple, où est-ce qu'on va aller retirer de l'argent, Séverine Renaud ? Comment ça va se passer, par exemple, pour récupérer les billets, concrètement, pour que les gens comprennent ? Oui, alors pour l'instant, donc, le Galeco, c'est uniquement une monnaie papier, donc il faut effectivement des billets. Il n'y a pas de pièces qui existent, c'est seulement des billets. Le plus simple, c'est de retirer de l'argent en euros et d'aller l'échanger en des euros contre des galécos dans des points de change. Il y en a un petit peu partout à Rennes. Ça va être des bars, des commerces qui font partie du réseau et qui acceptent de jouer ce rôle de comptoir de change. Et donc ça, c'est une manière d'avoir des galécos. On peut aussi faire cet échange sur le marché des Lys. Une semaine sur deux, il y a un stand Galeco qui est tenu par des bénévoles et qui permet aussi de faire du change. On peut également en échanger au Crédit Coopératif, dans l'agence du Crédit Coopératif, qui est la banque de l'association. Très bien. Emmanuel Rousset, sur ce fonctionnement, est-ce qu'il y a un grand nombre sur Rennes avec le Galeco de magasins qui acceptent, de commerces pardon, qui acceptent ce Galeco ? Est-ce qu'on est sur une croissance ? Est-ce que ça peut encore aller plus loin ou est-ce que ça marche pas alors, forcément ? C'est en augmentation régulière. On est à aujourd'hui, alors à l'échelle de l'île et Vilaine, 250 entreprises qui acceptent le Galeco. Okay. Sur le pays de Redon, par exemple, on peut faire l'essentiel de ses besoins, répondre à ses besoins primaires en Galeco. On peut même acheter, payer son essence en Galeco, donc c'est pour dire. Son électricité avec Enercop, sa mutuelle avec la mutuelle des Pays de Vilaine, faire ses courses à la Biocop. Les commerçants du coin acceptent quasiment tous du centre-ville de Redon. Sur Rennes, c'est aussi de plus en plus de monde, avec aussi là une grande diversité. Ça va des cafés, des épiceries, de créateurs, d'artisans, de librairies. On a aussi une grande diversité. C'est 1700 utilisateurs du Galeco. C'est 62 000 euros, Galeco et donc les contreparties à la banque en euros qui sont en circulation aujourd'hui. Et surtout, on voit qu'il y a une augmentation très importante suite à la diffusion et au succès du film Demain, qui a permis de sensibiliser un public plus large. C'est-à-dire qu'on voit bien que les prémices du Galeco, c'est un cercle de gens qui avaient déjà une certaine conscience militante et citoyenne. Et le film Demain a permis de se dire je peux aussi agir et toucher des gens dans un second voire un troisième cercle. Et c'est vrai que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur des mesures protectionnistes, les mesures protectionnistes c'est contre l'usage d'une monnaie locale, c'est pour. Et c'est quand même complètement différent de dire je suis contre ci ou ça que je suis pour ça. Et on agit dans une logique de on est acteur de sa consommation, on est acteur de son territoire. On se dit que l'argent qu'on dépense pour acheter, ça maintient le travail de son collègue, de son voisin. Et c'est des choses qui, du coup, sont une forme de militance positive. Et en ce moment, d'avoir du positif, ça fait du bien quand même. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours positif partout. Je vous propose de passer à la chronique de Colin. C'est mon tour. Qui va bien s'intégrer à ce moment de l'émission. Alors, chaque semaine, moi, je suis censé vous montrer un peu comment notre thème de la semaine a été traité, voire maltraité souvent, par les médias. Et cette semaine, une fois de plus, j'ai séché. Parce que les monnaies locales, finalement, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, justement. On n'en parle pas tant que ça, ou alors on en parle, effectivement, mais toujours en disant que ça monte, que c'est quelque chose qui est en train de se créer. Donc, ce que je vous propose cette semaine, c'est juste d'étudier ce mot qu'est le mot « monnaie ». Alors, monnaie, ça vient du latin « moneta »,« moneta »,« moneta »,« monetae »,« monetae »,« moneta », qui vient lui-même du verbe « moneo », »,« monette », »,« monemus », »,« monetis », »,« monent », et j'ai oublié la deuxième personne du singulier, qui signifie « avertir »,« conseiller ». À Rome, en 343 avant Jésus-Christ, les Romains avaient installé un temple sur le Capitole, celui de Junon Moneta, littéralement « Junon qui avertit », un temple dédié à Junon, qui était, outre la copine de Jupiter, la déesse qui avertit et conseille et protège les femmes. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que d'après Cicéron, qui est un petit peu le Tanguy Omri des Romains en matière de journalisme, lors d'un tremblement de terre, les Romains avaient entendu une voix s'élever du temple, avertissant les Romains du danger et leur conseillant de faire quelques sacrifices pour que ça passe. D'où cette épiclèse de Moneta. le temple de Junon Moneta était un lieu de protection où les Romains se réunissaient. Eh bien, merci Colin pour cette chronique qui n'a aucun rapport avec la monnaie. Alors attends une seconde, Tanguy, j'y arrive. Vers 400 avant Jésus-Christ, les Romains révolutionnent leur système économique en remplaçant le système de troc, je te donne 3 vaches, tu me donnes 2 buffles, je te donne mon appareil à raclette, tu me donnes ton casque sans fil, par un véritable système monétaire avec des cubes de bronze et d'argent. Le système va évoluer et va voir apparaître les premières pièces sous la République vers 290 avant J.C. Et devine où étaient frappées ces pièces, je te le donne en mille, Tanguy, dans un atelier monétaire installé près du temple de Julion Moneta. Le nom est resté, les Romains ont commencé par appeler ces pièces, ont commencé à appeler ces pièces des monetae et on a fait pareil. Gros changement de connotation du coup. Alors que Junon nous avertissait des éventuels tremblements de terre, maintenant elle nous avertit d'un tout autre problème du genre « Attention, tu n'as plus d'argent et tu n'as pas encore acheté le cadeau de Noël pour ta maman, sans compter que le chèque du loyer de décembre n'est toujours pas encaissé. » Bref, voilà de quoi Junon nous avertit. Mais la monnaie, c'est un gros mot ? Alors parler d'argent, c'est aussi finalement parler d'inégalité, de rapport de domination entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en gagnent, ceux qui n'en gagnent pas. Parler d'argent, ça a aussi cette face très sombre. Oui, tout à fait. Merci. C'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et je pourrais même aller un peu plus loin dans le cynisme. J'ai dit que moneta venait du verbe moneo, avertir, conseiller. Et ce verbe a donné d'autres dérivés, parmi lesquels monitio, le conseil, l'avertissement, qu'on retrouve aussi dans la prémonition. Mais ça a donné également le monumentum, qui a donné monument en français, mais qui comportait un sens beaucoup plus large en latin, renvoyant à tout ce qui permettait de se souvenir, notamment d'un mort, une pierre tombale, une stèle, etc. L'argent a donc une racine commune avec la mort, un peu comme celle qui flotte dans les airs quand vous vous baladez dans le centre de Saint-Brieuc, où un commerce sur 3 est fermé. Les artères principales respirent la désertion, le centre commercial compte aussi 10 vitrines closes sur 31 et un unique restaurant-bar est ouvert en journée dans le quartier de la gare. Bienvenue à Saint-Brieuc, ses rues tristes, ses allées vieillissantes et ses places en travaux qui font fuir habitants et commerçants vers les périphéries. Et tout ça pour nous dire que la monnaie, c'est l'inégalité et la mort. Voilà, c'est là, à mon sens, qu'interviennent les monnaies locales, ou en tout cas, ce que j'en ai compris. Dans un pays où l'économie semble saturée, la monnaie locale est une solution à plus grande échelle, celle de la ville ou de la région. Pour le philosophe Patrick Viveret, fervent défenseur de ces monnaies citoyennes, ces monnaies locales servent l'économie réelle avec une valeur ajoutée sociale et humaine. C'est ce que vous disiez finalement, hein. Je n'invente rien. Proposer ces monnaies locales, c'est véritablement vouloir instaurer la valeur du partage dans l'échange commercial. Et c'est aussi revaloriser les commerces de proximité pour ne pas les voir quitter à leur tour les pavés de la rue Saint-Guillaume à Saint-Brieuc et partir dans les grandes surfaces périphériques. Les monnaies locales, c'est rendre à l'argent sa vie et son équité. C'est faire des centres-villes désertés de Saint-Brieuc, de Nevers, de Béziers, de Troyes, d'Arras, un temple où l'on peut tous se retrouver quand tout tremble autour. C'est rendre à Junon son rôle de protectrice, c'est se dire qu'une autre économie est possible. Alors, retour de l'avocat du diable. Je viens d'évoquer Saint-Brieuc. Et donc, j'ai appris qu'à Saint-Brieuc, il y avait aussi une monnaie locale qui était en train de se créer, qui était en projet. Le 15 octobre, ils ont même voté pour le nom de cette monnaie, qui va être donc la bigaille. Alors, dans les autres choix, il y avait aussi la brioche. j'ai aussi mentionné Nevers, où les commerces s'en vont, et même les vendeurs de téléphones s'en vont, c'est dire, et où la population s'en va aussi. Alors, de nombreuses solutions ont été envisagées. Alors, je cite ma source directement. C'était le Zoom de la rédaction de France Inter, c'était mardi dernier. La mairie a fait voter une surtaxation sur le foncier bâti, censé pousser les propriétaires de locaux qui n'habitent pas à Nevers à louer leurs locaux. Les voitures ont été quasiment exclues du centre-ville et les commerçants vont bientôt lancer un site internet commun et une carte de fidélité commune à 180 adhérents pour permettre aux habitants d'avoir plus de pouvoir d'achat dans le centre-ville. Mais pour l'instant, pas finalement de projet de monnaie locale. Est-ce que c'est plus efficace selon vous, Emmanuel Rousset, toutes ces initiatives qui sont aussi citoyennes, qui viennent de la ville de Nevers, est-ce que c'est plus efficace que la monnaie locale face à la désertification du centre et à la dépopulation? Alors, s'il y avait une recette miracle pour combattre la désertification, que ça soit en ville ou en milieu rural, alors là, ça serait. Donc, on voit bien que ces questions-là, elles sont complexes parce qu'elles sont, elles sont aussi liées au sentiment d'appartenance, à la capacité financière, à l'historique en termes d'urbanisme, en termes de, d'immobilier, à la question de l'emploi, de la diversité de l'emploi. Donc c'est vrai que la monnaie locale, elle facilite la circulation de l'argent, elle localise les emplois, elle travaille à ça, mais à elle toute seule, sincèrement, j'ai quand même honnêtement peur que ça ne suffise pas. Je pense que c'est vraiment un maillon de la chaîne, un maillon qui peut permettre de faire de l'éducation populaire autour de ses achats, autour de ce que ça produit, un maillon qui peut encourager et amener une petite amélioration du chiffre d'affaires, un maillon qui peut permettre de s'interroger sur sa propre pratique et peut-être se dire bon, plutôt qu'aller en périphérie dans l'hypercentre commercial, je vais peut-être aller à côté parce qu'après tout, ça va lui permettre d'ouvrir, mais c'est qu'un maillon, c'est-à-dire que c'est, on ne peut pas, à mon sens, sauver un centre-bourg ou un centre-ville uniquement par la monnaie locale. Par contre, quand il y a une capacité sur un territoire à mettre en place une monnaie locale, c'est qu'il y a une dynamique citoyenne qui fait que d'autres choses sont envisageables aussi. En général, il n'y a pas qu'une monnaie locale. Il peut y avoir aussi un engagement citoyen, participatif. On peut trouver des formes différentes. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont aussi des solutions où les citoyens peuvent, aux côtés des collectivités, aux côtés d'entrepreneurs, s'engager ensemble dans la même entreprise. Et on peut avoir le dernier commerce qui des fois, la mairie met à disposition les locaux. Et il y a un professionnel qui gère avec l'appui de bénévoles qui sont des citoyens. Donc c'est une somme de petites choses. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est le fruit d'une politique qui a son histoire en termes de construction, d'immobilier, de prix, et la monnaie locale est pour moi un maillon de la chaîne. Et pourquoi justement ce maillon ne va pas rentrer justement à Nevers ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été proposé ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi dans l'aspect révolutionnaire que ça peut avoir ? On a l'impression qu'on va remplacer la monnaie qu'on utilise habituellement, que ça va bouleverser notre quotidien. Pourquoi est-ce que finalement ça n'a pas été proposé alors que ça paraît peut-être plus simple à mettre en place, même si évidemment ce n'est pas révolutionnaire, ça ne peut pas forcément se substituer à tout ce qui a été mis en place jusque-là ? C'est vrai, Nono, qui n'habite pas à Nevers ? Mais Par contre, je suis originaire de Saint-Brieuc et. Il faut juste allumer le micro. Je crois que vous l'avez. Il est allumé ? Ah bah oui, non, mais c'est bon. Alors on vous entend. Pardon. Oui, donc je suis originaire de Saint-Brieuc, donc c'est. Je comprends bien de quoi vous parlez. Je savais qu'il y avait un projet de monnaie locale, mais je ne savais pas qu'ils avaient trouvé leur nom. Le 15 octobre dernier. Et en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée. Je me suis souvent dit qu'à Saint-Brieuc, une monnaie locale, ça serait utile. Donc je les encourage d'eux. Et par contre, en ce qui concerne Nevers, bah, je sais pas. Peut-être que les personnes qui justement sont à l'origine de la dynamique dont vous parliez à Nevers, bah, ont peut-être jamais entendu parler des monnaies locales, comme vous disiez. C'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, même si on en parle plus ces derniers temps. Je pense aussi que c'est pas si simple que ça à mettre en place au départ. Symboliquement, c'est peut-être un peu compliqué de se dire on va créer une monnaie carrément. Alors qu'en fait, c'est pas plus compliqué que d'imprimer du papier et de se dire bah voilà, ce papier-là. En fait, la monnaie c'est une histoire de confiance aussi. Donc non, j'exagère un peu. Après, c'est un peu plus compliqué coût, que ça. Un coût qui Mais peut oui, être voilà, important. C'est un coût, l'impression des billets, la sécurisation des billets, etc. Donc peut-être que ça fait peur. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait peut-être leur en parler à Nevers, parce que je pense que ce serait une bonne idée. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Emmanuel Rousset. Je pense que ça peut vraiment alimenter une dynamique qui existe déjà. L'alimenter dans le sens où la monnaie, tout le monde s'en sert. Donc c'est assez facile de parler de monnaie locale avec n'importe qui, en fait. Même des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés à l'économie, etc. Donc ça, c'est le premier avantage. Alors que sur d'autres outils, ça va être plus compliqué, il faut s'y connaître, etc. La monnaie, tout le monde l'utilise, donc c'est facile, on peut s'échanger des billets comme ça. C'est très ludique, en fait, comme outil. Et ça permet de créer une monnaie locale, ça permet de créer du lien, ça permet de créer un réseau, en fait, du lien avec les commerçants, du lien entre les utilisateurs de la monnaie. Et donc, ça vraiment, pour moi, ça peut que alimenter une dynamique, surtout si elle existe déjà. Voilà. Donc, ça peut faire vivre un peu des territoires qui seraient un petit peu calme, un peu vide. Comme, un peu comme Saint-Brieuc. Un peu comme Saint-Brieuc, peut-être, témoignera Colin. Alors, on parle en bien, on peut aussi un peu voir peut-être les côtés négatifs. Partir justement sur la loi NOTRe dont j'ai parlé en introduction. Peut-être juste alors faire un point sur cette loi qui a donc retiré des compétences au département pour les donner à la région, notamment. Est-ce que, Manuel Rousset, vous êtes donc élu au département? Est-ce que vous pourriez nous faire un point un peu général sur les compétences qui ont pu être transférées? Alors, le principe de la loi NOTRe, et après je reviendrai sur votre introduction parce qu'il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait... Oula. Mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. Ah, mais oui. Donc, la loi NOTRe, c'est en théorie une loi de clarification des compétences. On parle souvent du millefeuille à la française sur lequel on a la commune, l'intercommunalité, le département, on a tous les syndicats thématiques, eau, assainissement, etc., etc., la région, l'État, l'Europe. Donc, on ne sait plus trop qui fait quoi. L'idée de la loi NOTRe, c'est de dire il y a des chefs de file. Donc, la commune, elle est la seule à avoir gardé la clause de compétence générale. Elle a le droit de tout faire. Elle a des choses qui lui sont dévouées, vraiment, l'école, les cimetières. Voilà, il y a des choses qui sont clairement du domaine de compétence de la commune. Mais la commune, elle peut se saisir de n'importe quel sujet puisqu'elle a gardé la clause de compétence générale. Ce qui a changé dans la loi NOTRe, c'est que les autres collectivités n'ont plus la clause de compétence générale. Donc les collectivités avant avaient principalement leur domaine de compétence. On sait que les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est les régions. Mais la clause de compétence générale permettait à ceux qui avaient envie de faire des choses en dehors de leur cœur de métier d'y aller sans problème. Ce qui fait que des fois, tout le monde faisait un peu tout. Donc pour le citoyen, pour les finances publiques, pour tout ça, c'était pas très clair. La loi NOTRe a dit il y a des chefs de file. Le département est chef de file en ce qui concerne les solidarités territoriales et les solidarités humaines. Donc on est gestionnaire du distributeur d'aide sociale, mais l'idée c'est de ne pas être que distributeur d'aide sociale, mais aussi d'être producteur d'insertion, de liens, et donc de pouvoir avoir ces questions-là. Mais on est aussi sur la question des solidarités territoriales, donc comment on fait en sorte qu'un département comme l'Ille-et-Vilaine, qui a une métropole en son cœur et des territoires un peu plus éloignés de la métropole, puisse quand même bénéficier de l'effet de la métropole en permettant de redistribuer de l'ingénierie, des moyens, des choses comme ça. Les régions, elles, puisque l'échelle paraissait plus intéressante pour gérer la question de l'économie, en disant les régions et les communautés de communes sont les deux échelons pertinents pour travailler sur la question de l'économie. La région plus à l'échelle macro, les schémas de structuration, les aides pour que ça soit cohérent et on évite la guéguerre des territoires en disant viens sur ma commune parce que je vais te donner des sous et puis il n'y en a plus donc je vais sur la commune d'à côté. Ça paraissait la bonne échelle. Donc on a mis en œuvre cette loi NOTRe sur laquelle il y a un certain nombre de transferts de compétences. C'est le cas des transports scolaires par exemple ou qui sont partis à la région. C'est le cas des routes qui sont parties à la métropole. Et puis sur l'économie, il n'y a pas eu de transfert de compétences. On a juste dit, on arrête, les départements n'ont plus le droit de faire du développement économique, n'ont plus le droit de faire de l'aide directe aux entreprises. En Ille-et-Vilaine, on arrête le développement économique. Par contre, on a fait le choix de garder la compétence économie sociale et solidaire, puisque c'est bien de l'aménagement du territoire et des solidarités. Donc le principe, c'est que l'économie sociale et solidaire, ça répond à des besoins non satisfaits des territoires. Ça permet de mettre la personne, le citoyen, au cœur du projet. Le but n'est pas la création de richesses monétaires. Et donc, on s'est dit, on continue une politique ESS et on va continuer le Galeco. Parce qu'on pense que le Galeco est un outil de solidarité au sens large du terme. Par contre, on ne peut plus le faire comme on le faisait pour l'instant. Le département finançait exclusivement le Galeco. C'est-à-dire que c'était le seul financeur et le modèle économique qui était prévu n'a pas réussi à se mettre en place. On n'a pas réussi collectivement à mobiliser d'autres partenaires, que ce soit des réseaux d'entreprises, des réseaux de l'ESS, des réseaux de collectivités. Et l'idée sur 2017, c'est de dire, on fait le constat qu'il y a des choses qui marchent, la mobilisation citoyenne, elle a marché, il y a des Galeco en circulation. Donc là, on ne veut pas balancer le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'était dit qu'il faut arrêter. Le Galeco, comme monnaie, comme outil, peut servir le département, peut servir ses compétences et surtout son projet stratégique. C'est-à-dire qu'on a... On est une majorité avec des valeurs, des orientations politiques et on pense que le Galeco a son sens dans ce projet global. Par contre, on ne peut plus le faire tout seul et on ne peut plus le faire sur le champ économique. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de faire mon argent relocalise de l'emploi et développe de l'activité, on est à la frange. C'est-à-dire que quand on dit mon argent relocalise mon emploi, bon, on peut encore dire c'est des solidarités. Quand on dit j'augmente le chiffre d'affaires du commerçant local, là, on ne peut plus. Alors du coup, ça peut se présenter comment, cette nouvelle participation du département avec le Galeco ? Alors l'idée, et c'est l'objet de la transition sur 2017, c'est de dire on fait la tournée des popotes et on ramène d'autres avec nous. Et on élargit le premier cercle pour que ça soit plus que les citoyens et le département, mais que ça soit les citoyens, le département, peut-être d'autres collectivités, peut-être d'autres réseaux qui n'ont pas pris le temps de venir parce que ça leur paraissait quelque chose pour hyper militant ou qui n'ont pas pris le temps de creuser la question et de construire. Et on se remet tous ensemble autour de la table et on regarde comment peut être une V2 du Galeco qui sera peut-être vraisemblablement différente à la fois dans son modèle économique, dans sa gouvernance, en espérant qu'elle soit aussi partagée avec un peu plus, en tout cas du côté du département, et qu'elle puisse correspondre aux objectifs de chacun et de trouver ce point commun. Alors c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est les phases de transition. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas forcément où on va aller. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire... quel va être le contour de cette version 2 du Galeco. En tout cas, nous, au département, et on en a discuté cet après-midi, parce c'est qu'on ça, avait c'est les orientations budgétaires, hein, c'était juste... Il y a bien une ligne Galeco dans le budget 2017 du département. Okay. On ne sait pas à quelle hauteur aujourd'hui, parce qu'il sera aussi fonction de la dynamique qu'il va prendre. On sait qu'on ne peut pas rester tout seul. Et ce qui était un peu compliqué pour l'instant, c'est qu'on n'était pas sûr que d'autres veuillent monter dans le train. Donc aujourd'hui, on a cette certitude que d'autres ont envie de monter dans le train. On va mettre en place un comité de pilotage en début d'année pour travailler avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, mais aussi peut-être sûrement d'autres collectivités, peut-être aussi d'autres réseaux d'entreprises au sens large du terme, pour se dire, voilà, ensemble, qu'est-ce qui fait le point commun et le dénominateur commun qui fasse qu'on va garder le Galeco comme outil au service du développement local. Donc une monnaie qui sera un peu moins dépendante du conseil départemental. Séverine Renaud, ça vous semble plutôt une bonne idée de se détacher un petit peu en restant hein, quand même avec le conseil départemental, mais d'essayer de trouver de nouveaux acteurs qui vont permettre de faire vivre la monnaie, de diversifier, voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Alors après, j'attends de voir un peu comment ça facile, va hein, se mettre en place. Moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, les citoyens, les utilisateurs, et puis même les gens qui ne sont pas encore utilisateurs, mais qui commencent à s'intéresser au sujet, vont peut-être participer, s'investir. Parce que j'ai un petit peu peur, je vous avoue, qu'on perde là, cette dimension citoyenne dans la transition. Qu'on oublie peut-être un peu que la dimension humaine, en fait, en s'intéressant peut-être trop à l'aspect purement développement économique. Et moi, c'est vrai que c'est la dimension humaine que je trouve la plus importante dans la monnaie locale. Mais alors justement, par exemple, vous, en tant qu'adhérente au Galeco, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association Galeco ? Quel est le rôle des adhérents dans l'association Galeco ? Alors déjà, il y a des adhérents qui peuvent être simplement utilisateurs. C'est la majorité d'ailleurs des adhérents. Okay. Ils adhèrent parce que pour utiliser la monnaie, il faut adhérer à l'association. C'est une adhésion à prix libre. Et donc la plupart des gens font ça, c'est-à-dire ils adhèrent et puis après ils utilisent le Galeco dans leur vie quotidienne pour leurs achats. Ensuite, il y a un petit nombre de personnes dont je fais partie qui sont adhérents et qui en plus sont bénévoles, c'est-à-dire qu'on participe aux activités de l'association. Donc ça veut dire qu'on va par exemple tenir le stand au marché des Lices. Mmh. On organise aussi des formations. On peut aller dans des événements, par exemple avec la présentation du film Demain, il y a certains bénévoles qui sont allés participer à la présentation de la monnaie locale, à l'explication de la monnaie locale. Voilà, ça va être des actions comme ça. Moi, en tant que bénévole, j'ai aussi participé à la rencontre nationale des monnaies locales à Bayonne, justement, organisée par, okay. Par les personnes de l'EUSCO. Donc ça, c'était vraiment intéressant de rencontrer d'autres acteurs, d'autres bénévoles d'autres monnaies locales en France. Voilà, il y a plein de... On peut faire plein de choses, en fait. Alors du coup, ça, le Galeco repose quand même beaucoup sur un travail bénévole parce que on a appris dans le même temps ces derniers jours, ces dernières semaines, justement comme je disais comme en introduction, le licenciement économique qui a été lancé de deux salariés, il me semble, qu'il y a au sein du Galeco. Est-ce que perdre cette force de travail, est un problème, ou est-ce que il y a une telle force bénévole derrière que le Galeco va pouvoir tenir, ou est-ce que ces deux personnes jouaient un rôle très très important, je m'en doute. Alors oui, j'avoue que les salariés jouaient vraiment un rôle important. Ils faisaient beaucoup de choses. Mais peut-être que c'est parce qu'ils étaient là, justement, que les bénévoles se reposaient un peu sur eux et s'investissaient, ou les adhérents s'investissaient pas plus que ça. Moi, j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui veulent que le Galeco continue à s'investir, s'ils ont le temps. Parce que effectivement, Anne et Guillaume, qui sont les deux salariés de l'association, faisaient vraiment beaucoup de choses, et il va falloir qu'on prenne le relais, quoi. Ouais, ça va pas être facile. Et Emmanuel, Rousset, désolé. Les travaux qui se font en ce moment au conseil départemental, c'est pas du tout envisageable d'imaginer un nouveau mode de fonctionnement qui pourrait permettre de garder des salariés ou. Tout à fait. Si, c'est-à-dire que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est la transition et l'incertitude. Et je comprends que pour avoir été moi-même longtemps salarié d'association, on n'a pas forcément la garantie de son budget. Aujourd'hui, le département, on ne sait pas encore quelle va être la ligne pour 2017, puisque le vote du budget, nous, ne se fait qu'en février. C'est-à-dire que là, c'est une mesure presque principe de précaution que l'association a choisie. Nous, on ne leur a pas demandé de licencier les salariés. C'est au regard du risque qui pèse sur les finances de l'association, du besoin normal d'une personne qui travaille et qui a des incertitudes de pouvoir se projeter. Et c'est des fois plus facile de se projeter sur une fin claire et nette que sur peut-être que oui, demain, voilà comment ça va être, y compris parce que c'est des gens qui sont militants et que dans un changement de transition, comment on arrive à retrouver ses marques, et que c'est des projets qui mélangent aussi ce qu'on est en tant que personne, ce qu'on est en tant que professionnel, et on ne sait pas comment ça va être demain, et c'est pas rassurant, et je le conçois tout à fait. Donc nous, en tout cas, département, on a dit que si effectivement il y avait une baisse du budget et qui devait amener des licenciements économiques, on assurerait, pour que l'association ne se trouve pas en difficulté, le coût lié au licenciement économique, parce que ça paraît important. Pour autant, il y a deux types d'activités dans ce que fait l'association Galeco aujourd'hui, dans toute monnaie locale. Il y a la question du côté éducation populaire, comme on parlait tout à l'heure, avec le fait d'aller sur les marchés, le fait de faire de l'information, la sensibilisation à la monnaie, et ça les bénévoles le font très bien, les salariés accompagnaient ça, il y a besoin de coordonner. Et puis il y a la partie plus gestion de la monnaie, c'est-à-dire que la question du démarchage des entreprises, la question de la gestion des euros placés en banque en parallèle, la question de la vie juridique entre guillemets de la monnaie, et ça clairement c'est lourd pour des bénévoles. Ça veut dire que dans la V2 du Galeco, il faudra bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais c'est vrai que le département aujourd'hui, ne pouvant pas continuer à financer à telle hauteur, ça veut dire que d'autres doivent monter aussi dans le train et mettre de l'argent. Alors ces autres, il y a d'autres monnaies qui financent, qui sont financées soit par un peu plus d'entreprises ou un peu plus de fondations ou autres, un peu plus de particuliers, un peu plus de collectivités, par des modèles hybrides. Aujourd'hui, aucune monnaie en France n'a un vrai modèle économique, il faut être honnête. Il y a des monnaies toutes petites où on n'est que sur du bénévolat et c'est l'éole, c'est le BUSUC, ils ont de la valeur, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement derrière, mais le modèle économique est basé sur de l'aide à l'investissement, soit par financement participatif, soit par du soutien de collectivité, et puis de la vie bénévole qui fait vivre la circulation de la monnaie, dont l'ambition est de rester vraiment sur un micro-territoire parce qu'il a une identité, parce qu'il a du sens, etc. Et puis il y a des monnaies plus larges comme le FCO, comme la Sonante à Nantes, etc., qui essaye d'être sur un territoire un peu plus grand avec des logiques différentes derrière. Le FCO, il a été créé au départ pour valoriser la langue basque presque dans cette identité forte au territoire. Donc il y a une intention politique autre. Donc là, il faut le faire vivre. La Sonante était aussi sur l'idée d'un club d'entreprise et d'un réseau d'entreprise attaché à son territoire. Donc ça veut dire qu'il faut l'animer pour le faire vivre, tant l'un que l'autre. Donc on voit bien qu'il y a plein de modèles de monnaie, il y a plein de types de territoires de monnaie et qu'il va falloir qu'ensemble, à l'échelle avec des partenaires, dont les, évidemment pour moi les citoyens, on ne peut pas faire de monnaie locale sans citoyens, on puisse se réfléchir à cette, pour moi cette V2, c'est vraiment ça quoi. Alors je précise que vous parlez de V2 justement, puisqu'il y a eu un contrat avec le département qui durait 3 ans et qui va prendre fin là, et du coup on peut parler du deuxième version. Et alors justement dans cette deuxième version, l'association a annoncé qu'elle comptait se développer en ligne, en numérique. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce projet? Pourquoi vouloir justement aller sur des paiements en ligne? Est-ce que c'est des coûts plus moindres justement qui pourraient permettre un développement plus facile et moins cher? Alors l'intérêt du numérique, c'est surtout que ça permettrait aux entreprises de payer leurs fournisseurs plus facilement, parce qu'il y a quand même très peu d'entreprises qui payent leurs fournisseurs en liquide. Et comme la monnaie locale, pour l'instant, elle est uniquement en espèces, ça posait des problèmes à certaines entreprises pour payer leurs fournisseurs. Donc le fait qu'elle soit numérique, ça permettrait de faire circuler le Galeco beaucoup plus, en fait. Il y a aussi un certain nombre de personnes, d'utilisateurs qui n'utilisent jamais d'espèces et qui du coup en fait ont adhéré au Galeco, ont essayé de l'utiliser, et puis finalement le fait que ce soit des espèces, ça, c'était trop compliqué pour eux, ils ont laissé tomber. Et ça, moi j'en connais personnellement un certain nombre, donc je pense que ça serait aussi intéressant pour le développement de la monnaie au niveau des utilisateurs citoyens et pas uniquement au niveau des entreprises. Ouais. Et puis ça suit peut-être un cours on va de plus en plus vers la dématérialisation de la monnaie, c'est peut-être aussi pour s'adapter un peu à cette vision qu'on a un peu de la dépense de l'argent qui va se faire de plus en plus peut-être par les portables, par les cartes bancaires même. Il n'y a pas de carte bancaire Calico par contre. Alors dans le projet, si, il y aurait une carte, alors pas bancaire, mais une carte qui porterait en fait chaque utilisateur aurait une carte avec son nom de Galeco, comme ce qui peut se faire dans certains festivals par exemple. Oui, des cartes magnétiques. Voilà. Et donc on pourrait comme ça recharger sa carte Galeco en ligne et puis payer les commerçants avec cette carte là, et eux-mêmes, donc les commerçants auraient un compte aussi en Galeco de manière informatique, dématérialisée, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et je rappelle juste, en fait, parce qu'on ne l'a pas signalé, le fonctionnement, c'est un Galeco égal 1 euro pour tout au long de l'émission. Oui, c'est toutes les monnaies locales en France, d'ailleurs, c'est une obligation légale. Très bien. Colin, t'avais une question. Parce que je vois que, on parle du Galeco qui pourrait donc se virtualiser, aller sur être utilisé par Internet notamment. Et est-ce que dans ces cas-là, on pourrait faire un rapprochement, alors sans doute en prenant beaucoup de pincettes, entre le Galeco et les monnaies locales, et aussi le Bitcoin par exemple, qui va être une monnaie qui va pas du tout être locale, qui va être utilisée internationalement, mais qui va aussi, c'est aussi la création justement d'une nouvelle monnaie, d'une nouvelle façon d'échanger. Est-ce que, même si leurs buts sont communs, sont totalement opposés, est-ce qu'on pourrait pas penser à une certaine racine commune qui est celle de se débarrasser aussi d'un système monétaire actuel qui ne fonctionne pas assez bien? Est-ce qu'on peut trouver un rapprochement? Ou est-ce que c'est vraiment l'anti-Bitcoin, le Galeco? Comme son nom l'indique, on parle de monnaie locale complémentaire. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une monnaie en France, c'est l'euro. Et les monnaies qui existent à côté, elles sont bien à côté, elles sont complémentaires à l'euro. Et donc pour moi, en tout cas en tant qu'élu, il est inenvisageable aujourd'hui de laisser tomber l'euro. C'est-à-dire que le Galeco, comme le FCO, comme toutes les monnaies, sont des compléments pour se poser des questions, pour relocaliser des choses, mais c'est ça a une vertu d'aller dans l'économie réelle, d'être dans le concret et de servir le territoire. Le Bitcoin, je suis pas du tout une spécialiste de la monnaie, mais il me semble qu'il y a quand même un petit côté quand même spéculatif, et c'est même l'objet de cette monnaie, et il s'agit en aucun cas là, on ne pourra pas blanchir de l'argent en Galeco. C'est-à-dire que le Galeco, il est là pour... on est vraiment dans la vie réelle, avec même s'il a un support numérique, il a un support numérique qui facilite la circulation. On est bien... L'idée, c'est que le Galeco, comme n'importe quelle monnaie complémentaire, est là pour circuler plus sur un territoire que l'euro. Donc, c'est pas en ayant une monnaie qui ne circule pas du tout parce qu'on veut avoir d'autres usages de ça qu'on va pouvoir répondre à cette question-là. Donc c'est vrai que je pense que le numérique, il ne faut pas en avoir peur, c'est le support de l'outil, ce n'est pas la finalité en soi. Séverine Renaud, vous vouliez réagir ? Oui, parce que vous avez parlé de circulation de la monnaie, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et c'est, en fait, c'est le plus important dans la monnaie. Une monnaie qui ne circule pas, ça ne sert à rien. Si vous avez 10 euros dans votre poche et que vous ne les dépensez jamais, c'est comme si vous ne les aviez jamais eus. Donc, l'intérêt d'une monnaie, ce qui crée la richesse sur un territoire, c'est la circulation de la monnaie, ce n'est pas la monnaie en elle-même. Et quand on a compris ça, en fait, on a compris l'intérêt des monnaies locales. La monnaie locale, comme on ne peut pas la placer en banque pour avoir des intérêts, concrètement, eh ben, on va la faire circuler, on va la dépenser, puisqu'elle ne nous sert à rien dans notre portefeuille. Donc, une monnaie locale, elle circule beaucoup plus vite que l'euro. Puisque l'euro, on va de temps en temps le placer à la banque pour faire des intérêts, puis après, on va le dépenser. Alors que la monnaie locale, elle circule beaucoup plus vite. Elle circule 2 à 3 fois plus que l'euro. Voilà. D'accord, il y a vraiment une vitesse de déplacement plus importante. Mais pour rester un peu sur cette idée peut-être de développement, je me demandais un peu jusqu'où peut se développer le Galeco, en fait, techniquement. Parce que est-ce qu'on peut imaginer qu'il va rejoindre des villes jusqu'à aller à une frontière où il y a une autre monnaie locale ? Quelles sont les limites en fait, d'un développement d'une monnaie locale, Séverine Renaud ? Les limites, elles sont à définir. Alors pour moi, les limites, elles sont quand même justement elles doivent être soutenues par un groupe de citoyens. Et c'est, à mon avis, difficile de mobiliser des citoyens à une échelle, par exemple, régionale. Il faut que les gens puissent se rencontrer, puissent se rencontrer au moins de temps en temps. Alors, il y a des échanges avec les autres monnaies locales bretonnes. Mais pour créer une monnaie commune, il faudrait qu'il y ait un groupe commun de citoyens quoi, qui soutiennent cette monnaie-là. Et donc, pour moi, l'échelle du territoire, de la métropole, du territoire, ça me paraît être la bonne échelle. Mais après, on pourrait imaginer une multiplicité des monnaies. Avoir une monnaie à l'échelle du territoire, une monnaie à l'échelle du département, une monnaie à l'échelle de la région, une monnaie à l'échelle nationale, une monnaie à l'échelle européenne. En fait, ça serait même ça le plus intéressant. Ça permettrait... Alors, est-ce que ça complique pas un peu la chose d'avoir plein de monnaies différentes ? Ah bah écoutez, je pense qu'il y a des choses très compliquées qu'on arrive à gérer, donc je pense que ce serait possible. ça serait pas un problème. Sur ce développement du Galeco, est-ce qu'il y a des limites qui peuvent être posées ? On est sur des monnaies locales, donc il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance à un territoire. Par contre, on peut imaginer que des monnaies puissent être interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut, j'en sais rien, on verra dans les travaux qu'on fera dans les semaines à venir, mais dire il y a le Galeco à Rennes, il y a la Sonante à Nantes, il y a l'Éole à Brest. Et quand je suis à Rennes, j'utilise des Galeco. Et par le support numérique, je peux quand même, parce que c'est le même système informatique, bah, je suis à Brest, il y a un resto sympa qui prend l'Éole, et ben pourquoi pas payer avec mon argent numérique, puisque après tout, on pourrait pourquoi pas imaginer de l'inter. L'euro aujourd'hui, il y a un côté français et un côté européen. Et on utilise bien, on a bien nos billets en euros en France qui sont utilisables partout dans l'Europe. Donc c'est une monnaie à l'échelle européenne, mais qui a quand même un côté pile, un côté face. Pourquoi pas demain se dire que... Par contre, pour la faire vivre dans le quotidien, c'est bien cette question du territoire qui est important. Après, le territoire, il est différent. On peut, pourquoi pas, imaginer un territoire... Ben, le sentiment d'appartenance à un territoire, il n'est pas le même en fonction de l'échelle. Donc, il faut trouver la bonne échelle. On a vu qu'aujourd'hui, on avait fait l'expérimentation sur le pays de Redon. Ça fonctionnait bien. Sur le pays de Rennes, il y a largement la marge de développement. Il y a une base qui existe, mais on peut la développer. Sur Fougères, ça n'a pas vraiment pris. Donc, c'est bien que il y a aussi des territoires qui sont plus facilitants que ça. Donc, moi, je pense qu'on peut réfléchir à des fongibilités de monnaie en partant de sommes de territoires. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore, on ne s'est pas projeté plus que ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Oui, au niveau national, justement, sur cette idée, est-ce que l'État, justement, pourrait... aller vers une dynamique plutôt de soutien de ces monnaies locales, que ce soit à travers un budget peut-être même qui serait dédié à ça. Est-ce que ce serait imaginable, est-ce que ce serait bien, en fait, tout simplement, ou est-ce qu'on serait pas trop dépendant de l'État, encore une fois? Est-ce que c'est bien d'être dépendant des institutions, ou le but, encore une fois, c'est vraiment d'être par groupe avec des bénévoles, Séverine Renaud? C'est une bonne question. Alors déjà, l'État, dans une loi en 2014 sur l'économie sociale et solidaire, a reconnu l'existence des monnaies locales, ce qui était déjà une bonne chose. Après, c'est la question qu'on posait au début. Est-ce que, par exemple, avec le Galeco, le fait que le conseil départemental soit à l'initiative et même soutienne beaucoup le Galeco, est-ce que c'était quelque chose de positif? Moi, je pense que oui. Mais peut-être que quand on a quelque chose de trop descendant, bah, les citoyens se l'approprient moins. Ce serait la même chose avec l'État. C'est-à-dire si l'État dit demain, on va créer une monnaie locale sur tous les territoires, je suis pas sûre que ça fonctionne partout. Est-ce que ça fonctionnera à Nevers, par exemple ? Ben, on ne sait pas. Donc il faut, c'est vraiment important. Il faut qu'il y ait une dynamique quoi au niveau local. Donc voilà, c'est la limite de l'intervention de l'État à mon avis. Et alors, peut-être un peu pour conclure, est-ce que, au niveau du Galeco, pour revenir au niveau du Galeco, est-ce qu'il y a des, vous pensez qu'il y a encore des améliorations de communication possibles ? En fait, quand on a fait cette émission, on se disait, en fait, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça, même au niveau de Rennes, qui connaissent le Galeco. Quels sont, peut-être, comme vous êtes dans l'association, Séverine Renaud, quels sont peut-être des projets de communication ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de nombreux efforts à faire ou est-ce que vous pensez que vous êtes au maximum de vos possibilités ? On fait ce qu'on peut avec les capacités bénévoles qu'on a aussi, oui. Et puis financières. Je pense que des films comme le film Demain, qui du coup parle des monnaies locales plutôt à l'échelle mondiale pour le coup, sont vraiment intéressants parce que ça permet de bien comprendre l'articulation en fait, entre la monnaie locale et puis d'autres sujets qui intéressent les gens. Et d'ailleurs, le film a apporté beaucoup d'adhérents à l'association. En dehors de ça, on continue à les interventions, les interventions dans les radios, dans les journaux, ouais. Dans les différents salons, sur les marchés. On fait beaucoup de communication, directe en fait. Mais pour ça il faut des forces vives en fait. Et le but c'est vraiment de toucher un public qu'on pourrait qualifier de militant parce que c'est vraiment comme on disait un acte militant en fait parce que on va pas le Galeco n'a pas pour but de toucher des personnes qui ont ouvert un compte en banque juste histoire de mettre de l'argent, c'est vraiment pour but de les personnes qui veulent comprendre où ils mettent leur argent, c'est vraiment ça. Alors je dirais que pour l'instant les utilisateurs de la monnaie c'est peut-être pour l'instant essentiellement des militants ou des gens en tout cas sensibilisés à la question de la consommation locale, du développement durable, etc. Mais moi, je pense que, comme la monnaie, tout le monde s'en sert, je pense qu'au contraire, ça pourrait se développer et toucher d'autres types de populations. Ça pourrait toucher tout le monde, en fait. Et ça peut être un des objectifs de l'association. Mais peut-être que dans un premier temps, il faudrait que toutes les personnes potentiellement sensibles à ces sujets-là, déjà, l'utilisent. Une monnaie qui pourrait toucher tout le monde, c'est peut-être ce que vous pensez. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour qu'une monnaie émerge, il faut un groupe de gens plus impliqués. Donc ça commence de toute façon par des gens plus impliqués. Mais ça serait quand même dommage que ça s'adresse qu'à des gens qui sont déjà sensibilisés. L'idée, si on veut que ça soit un outil d'éducation populaire, un outil de transition, que ça soit vers la transition énergétique, écologique, citoyenne, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens et que ça sorte d'un premier cercle dont je fais partie, dont vous faites partie, pour que ça puisse être un outil au service du territoire. Et je pense qu'on aura fait un grand pas quand on aura réussi à se dire que oui, n'importe qui peut avoir des galécos dans son porte-monnaie, c'est parce que quelque part, on y trouve un sens. Alors, on ne mettra pas tous le curseur au même niveau, et c'est là où il va falloir qu'on s'arrange, c'est où on met le niveau. Est-ce qu'on est hyper exigeant sur les entreprises qui acceptent les galécos et du coup, au risque de pas accepter tout le monde, ou est-ce qu'on est un peu plus large et du coup, ça sert à plus de gens. Donc, c'est des questions, il y a presque de la philosophie dans l'usage d'une monnaie, mais pragmatiquement, je pense qu'on peut élargir le cercle et ça me paraît important que la transition soit pas uniquement à destination de gens qui ont eu la chance d'avoir fait des études ou d'avoir les codes ou d'avoir croisé des gens sur leur route qui leur ont montré le chemin et plus on va pouvoir diffuser, plus la monnaie va intéresser les gens, plus on aura demain un monde meilleur, quoi. Eh bien, il y a donc encore beaucoup de questions qui se posent autour de la monnaie. Et on arrive à la fin de l'émission. Très belle conclusion, en plus. C'était très beau. merci à toutes les deux, Emmanuel Rousset et Séverine Renaud, d'avoir participé à ce débat. Merci à Colin pour ta chronique qui était encore une fois très réussie. Merci au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne qui nous a accueillis encore cette semaine, et comme depuis le début, dans leurs locaux. Un peu de musique et tout de suite, après la musique, ce sera Marcus avec Eureka. Restez à l'écoute sur Radio Laser.